Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de la série qui débute demain, la série de l'autoroute du parc entre les Saguenay de Chicoutimi avec les Remparts de Québec avec l'instructeur-chef Yannick Jean. Salut Yannick. Salut. Yannick, comment, d'abord, avant de parler de la série, Guy Lafleur est décédé. Évidemment, tout le Québec se remet tranquillement de cette nouvelle-là. Est-ce que tu l'as déjà rencontré, Guy Lafleur? Oui, je l'ai rencontré une couple d'occasions ici quand j'étais adjoint avec les Saguenay, puis à l'île du Prince-Édouard également. Quand je coachais là-bas, c'était une personne de grande, grande qualité. Au même niveau que les gens qui en ont parlé là, hier, là, on l'a vu à la télévision. Là, c'est quelqu'un, c'était l'idole d'un peuple, pas juste parce qu'il réussissait à faire sur la glace, mais beaucoup à cause de la personne qui était. OK. Yannick, comment comprend évidemment les Saguenay et les Remparts, il y a une différence de 44 points au classement? Ça semble être David contre Goliath, mais comment qu'on anticipe ça du côté des Saguenay? Ben nous, si on joue contre nous autres, on joue pas contre notre équipe, on joue contre les Saguenay, puis on va se concentrer sur nous, qu'est-ce qu'on a à faire. Tout le monde disait qu'on serait pas dans les séries. Maintenant, ben, on l'est. L'année passée, lorsque on a échangé des joueurs, tout le monde disait qu'on manquerait les séries. On a un bon début d'année. On a fait des transactionnels. Tout le monde dit OK, ils vont casser puis ils vont manquer les séries. Nos joueurs, on continue de se battre. Tout le crédit revient aux trois joueurs de 20 ans qui ont fait un travail incroyable dans la chambre. Leur leadership, il a été constant, soutenu. Ils ont fait de nous une meilleure équipe. Puis la balle est dans leur camp. On veut que ces joueurs-là continuent de nous traîner comme ils l'ont fait durant l'année. C'est des bonnes personnes, c'est des individus de qualité. Puis maintenant, ben, on compte sur eux là, pour les matchs qui s'en viennent. C'est un Saguenay-Remparts, c'est un peu canadien-nordique. Est-ce que pour une équipe comme les Saguenay, c'est un cachet particulier, font-ils les Remparts ou c'est une autre équipe? Oui, c'est certain que c'est l'équipe la plus proche. C'est une série pas trop compliquée, on va se dire les vraies affaires. C'est un peu l'opposé de l'année passée. L'année passée, on jouait contre Québec en ayant fini au haut du classement. Eux, le contraire, on avait toute la pression. On a bien fait dans cette situation-là. On était capable de gagner nos trois matchs. Après les avoir bien joués tout au long de la saison également. Donc, aujourd'hui, cette année, les rôles sont un peu inversés. Puis, nous, on va essayer que la situation ne se répète pas à l'opposé. OK. Comment on fait pour contrer, évidemment, le trio de Rochette, le duo fameux, duo dynamique Théo Rochette, l'ancien des Sags, et Zachary Bolduc, c'est le duo de l'heure dans les Ligue du Québec. C'est un des duos de l'heure, en tout cas. C'est sûr que ce n'est pas moi qui vais m'asseoir ici et te le dire. On a travaillé toute la semaine, on a bien préparé nos joueurs. Maintenant, c'est à eux de le faire sur la patinoire. Ils sont convaincus qu'à l'image de ce que je t'ai dit au préalable, on va se concentrer sur nous. On ne s'organisera pas pour focusser sur l'autre équipe. Les jeunes vont sûrement prendre l'expérience, quoi qu'il advienne. Ça va être du bagage d'expérience pour l'an prochain. C'est sûr et certain. Je ne vois pas ça de même. Je ne vois pas ça de même du tout. Il n'y a pas personne qui a des séries éliminatoires qui est là pour gagner. Ce n'est pas de dire on veut donner du millage à nos jeunes ou quoi que ce soit. On veut se présenter, on veut focusser sur qu'est-ce qu'on a à faire. Mais quand tu joues dans les séries éliminatoires, tu veux gagner. OK. Maintenant, du côté, toi personnellement, affronter Patrick, c'est spécial un peu. Pourquoi? Ben, c'est quand même un entraîneur légendaire, c'est quand même une personne. C'est un petit cachet particulier aussi dans une série? Ça n'a rien à voir Moi, versus le coach Claude Barre, où je te l'ai dit, ce n'est pas les Saguenay contre les Remparts, c'est les Saguenay contre les Saguenay. Okay. On voit ça comme ça. C'est certain que ça ne sera pas une confrontation où est-ce que je vais dire OK, c'est l'entraîneur contre, okay. contre l'entraîneur. Pour moi, peu importe qui est de l'autre côté, ça ne fait pas nécessairement une grosse différence. C'est quelqu'un que je respecte. C'est un très bon entraîneur comme. Dans notre ligue, c'est une personne qui a été incroyable pour la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, mais ça s'arrête là quand, okay. quand on joue. Fabrice Fortin, évidemment, je t'en parle parce que c'est un gars d'ici, connu une bonne deuxième moitié de saison dans l'ensemble. Oui. Oui. Ouais. Il était constant, il était intense pour nous. OK. On est content de ce qu'il a fait l'année. C'est un gars qui se présente, qui est capable, qui est très fiable défensivement, je pense. Et fort des deux zones, je pense. Oui, il est capable de jouer contre après tout le monde de l'autre équipe. Puis il s'implique là, des deux côtés de la glace. Puis il voit des grosses minutes de jeu en désavantage numérique, quelque chose qu'il n'avait pas nécessairement fait dans le passé, puis qu'il a bien fait avec nous là, depuis la période des fêtes. Yannick, dernière question, je veux te parler un peu du rôle de l'entraîneur dans les Jeux du Québec. Tu sais, que les Saguenayens, évidemment, tu étais un des entraîneurs quand même qui a plus de millage dans les Jeux du Québec. Là, tu vois arriver un Martin Saint-Louis qui débarque à Montréal sans expérience, qui n'a jamais coaché. Moi, je pense que les Canadiens doivent donner la chance à des Québécois, des entraîneurs dans les Jeux du Québec. Comment qu'un entraîneur qui a beaucoup de millage perçoit ça quand il va arriver un Martin Saint-Louis qui a zéro expérience et qui débarque à Montréal comme entraîneur? Est-ce que c'est choqué un peu pour les entraîneurs de la Ligue du Québec? Je pense à un gars comme Benoît Groulx là, qui a fait son temps dans la Ligue américaine aussi. T'sais, tout le monde a le droit à son opinion, tu as le droit à la tienne. Moi, je pense que les gens qui sont là sont des gens très compétents pour prendre ces décisions-là. Puis il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome. Ouais. Que tu passes par une voie ou une autre, tu peux accéder. Puis il n'y a pas une voie qui dit OK, si tu es capable de coacher, puis oui, tu sois 30, si tu es capable de coacher, junior, tu sois 30 ou dans la Ligue américaine. Ça dépend des gens qui sont en place, en poste, pour prendre des décisions, pour décider c'est qui les meilleures personnes pour diriger leur formation. OK. Ben, Yannick, on va vous souhaiter la meilleure des chances. La série qui débute demain soir à Québec, la série d'Autour du Parc. On s'en reparle à la fin de la saison. Merci. L'entraîneur-chef des Saguenay de Chicoutimi, Yannick Jean. Merci, Yannick.